بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم وحياكم الله جميعا. On va prendre un dersa assez court aujourd'hui et on poursuit dans la mas'ala citée précédemment, qui était qu'on avait parlé des sifat d'Allah Azza wa Jal, annaha ala qismayn, qu'elles sont de deux sortes, sifat dhatiya wa sifat fi'liya. Les sifat liées à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala sont allati la tanfak anhu, sont celles qui sont tout le temps rattachées à lui. Wa sifat fi'liya, ce sont les attributs des actes qui eux yallati yaf'aluhu Allah kayfa sha wa mata sha. Ce sont les attributs liés à des actes d'Allah azza wa jal qu'il fait quand il veut et comme il veut. وذكرنا أمثلة على ذلك. Et nous avons cité certains exemples à ce sujet. بالأدلة. نعم. الآن نواصل. يقول هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ Donc il dit: est-ce que l'on peut extraire de chaque sifat d'Allah Azza wa Jal les sifat des actes? Est-ce qu'on peut en citer, en extraire des noms? Ou alors est-ce que le nom d'Allah Azza wa Jal sont tous tawqifi, c'est-à-dire basés sur un décret divin? Parce qu'on avait pris à l'inverse, bil'ax, anna as-sifat, tayyib, ou al-asma, bel afwan, al-asma, يستخرج منها يشتق منها الصفات. Les noms d'Allah Azza wa Jal incluent forcément des attributs qui vont avec. On avait dit par exemple Al-Alim يتضمن صفات العلم. D'accord, l'omniscient, cela inclut l'attribut du ilm, du savoir. Maintenant l'inverse. Est-ce que on extrait de chaque attribut un nom? Ou alors les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous tawqifi, c'est-à-dire basés sur un décret divin, sur une preuve qu'on ne peut déduire par nous-mêmes. فقال لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال. Donc on dit le nom d'Allah عز وجل ces noms sont tous توقيفي, c'est-à-dire basé sur un décret divin qu'on ne peut déduire par nous-mêmes. On est obligé d'avoir une preuve de ce nom. Qu'on ne peut nommer Allah Azza wa Jal que par la façon dont il s'est nommé lui-même dans son livre, ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé lui-même. Et que tout acte que Allah Azza wa Jal s'est attribué à lui-même, alors cela inclut que c'est un acte de bien. Cela inclut un éloge et une perfection. Fi haqqihi subhanahu. ولكن ليس كلها وصفه الله به نفسه مطلقا إلا كلها يشتق منها أسماء. Cependant, on ne déduit pas de chaque attribut des noms. D'accord ? Ce n'est pas tout attribut qui lui-même dont on peut extraire un nom. Et ça, on l'avait cité déjà au début. On avait dit que tout nom d'Allah Azza wa Jal inclut forcément l'attribut qui va avec. Mais ce n'est pas tout attribut, d'accord, qui forcément lui, on en déduit un nom, et pas le contraire. Ça, c'est une règle qui est importante. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on les a, on ne peut les déduire. On doit forcément se baser sur un dalil. Alors que lorsque Allah Azza wa Jal, il se donne un nom, alors ce nom-là, on peut en déduire, par contre, l'attribut. Même si on n'a pas de preuve qui dit qu'Allah a tel sifat, si le nom est présent, alors du nom, on va en tirer l'attribut. Mais pas le contraire. Fahimtum? وقال وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر نعم عفوا جو بيان فيرسي افون كقول تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم que Allah est celui qui vous a créé puis qui vous a octroyé votre subsistance puis qui vous fera mourir puis qui vous fera vivre ou plutôt qui vous a fait vivre donc Allah Azza wa Jal s'est nommé lui-même comme étant le créateur le pourvoyeur à la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Non, mais là, il a dit le Mudabbir, mais dans le verset, il n'y a pas le Mudabbir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ces attributs-là, Allah a dit qu'il vous a créé, mais dans d'autres versets, il a dit qu'il s'appelle le Créateur. Allah vous a octroyé la subsistance, dans d'autres versets, il s'est nommé de la sorte. Et Allah... قال يميتكم qui vous fait mourir et dans d'autres versets ou d'autres adillah il s'est nommé le mumit celui qui donne la mort et dans ce verset Allah dit parmi ses attributs qui donne la vie et dans d'autres versets et d'autres ahadith il s'est nommé comme étant celui qui s'est nommé comme celui qui donne la mort afwan non vous voyez donc là si on dit qu'Allah parmi ses noms c'est el khaliq on ne se base pas du fait qu'il a dit Allahu allazi khalaqakum On ne se base pas sur le fait qu'Allah a dit « Il est celui qui nous a créé ». Mais quand dans d'autres versets, il a bien dit « Wal khaliq ». D'accord ? Donc l'attribut là, « Khalaqakum », lui n'aurait pas été une preuve pour dire, pour nommer Allah le khaliq, s'il ne s'était pas nommé lui-même de la sorte. Taïb. Il dit « وَمِنْهَا أَفْعَالُ أَطْلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ عَلَى سَبِيلِ الْجَزَاءِ وَالْمُقَابَلَةِ » Par contre, il y a d'autres attributs d'actes que Allah Azza wa Jal, par lesquels c'est décrit, cependant, il ne les cite qu'en contrepartie. C'est-à-dire, comme en rétribution d'une contrepartie de ce que la créature aura fait, Allah Azza wa Jal agira de la sorte. Mais sinon, cet attribut ne se cite pas tout seul. On avait parlé la dernière fois, et là, il va le reciter l'auteur. فَيَا فِيمَا سِيقَتْ لَهُ مَدْحْ وَكَمَلْ Et lorsque ça le concerne lui, lorsque Allah Azza wa Jal cite ces attributs-là, dans son droit à lui, c'est une perfection et une éloge. Un exemple, قَالَهِ تَعَالَى يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ Qui cherche à tromper Allah, mais c'est Allah qui les trompe. وَقَالَهِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Qu'ils ont comploté ou monter un stratagème, et Allah monter son stratagème, et Allah est meilleur en stratagème. وَقَوْلِهِ فَنَاسُوا اللَّهَ فَنَاسِيَهُمْ Qu'ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Vous voyez ? Donc là, Allah, il a dit qu'ils veulent le tromper, c'est-à-dire en parlant des koufars, et donc c'est Allah qui les trompe. C'est-à-dire que Allah ne cite cet attribut qu'en contrepartie du fait qu'eux-mêmes ont voulu tromper. Sans quoi, on ne dit pas que Allah yukhadi'a. On ne dit pas que Allah y trompe. Ça ne se dit pas. Kazalik, le fait que Allah Azzawajal fasse son stratagème, c'est une chose qui se dit que lorsque d'autres personnes font un stratagème, que Allah en contrepartie fait un stratagème contre eux. Et également, lorsqu'il dit que ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. On ne dit pas que Allah il oublie. Bel, wa ma kana rabbuka nasiya, que ton Seigneur n'oublie pas. Mais là, c'est quoi le sens de « il les a oubliés » Il les a délaissés, en fait. C'est-à-dire qu'eux ont laissé Allah, alors Allah les a laissés. Sans quoi le fait d'oublier, qui est le fait à ce qu'on avait en tête, nous, en tant que créature, en mémoire, nous a échappé, là, ce n'est pas ce sens-là. D'accord ? Allah ou Al-Alim, il sait toute chose, il ne peut pas oublier. Mais là, le sens de « oublier », là, dans ce verset-là, c'est le fait de... Il veut dire que Allah, il délaisse. Ils ont délaissé Allah, alors Allah Azza wa Jalla les a délaissés. Sans quoi, est-ce qu'on dit que Allah il délaisse comme ça tout seul ? Non, il ne délaisse que ceux qui l'ont délaissé. ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, l'auteur là, le cite dans son livre, ce qu'on vient d'expliquer, qu'on ne peut pas dire ce genre d'attribut tout seul. ونحو ذلك وكذا لا يقال ماكر ومخادع ومستهزئ. Par exemple, on ne peut pas dire également ماكر. C'est-à-dire celui qui a des stratagèmes, comme nom. Moukhadir, le trompeur, le Moustazi, celui qui se moque. Wala yakuluhu muslimun wala aqilun. Aucun musulman ne pourra le dire, et ni même une personne raisonnable, sensée. Ne dirait pas cela d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla lam yasif nafsahu bil makr wal kayd wal khida' illa ala wajh al jazaa' liman fa'ala dhalika bighayri haqq. Et que Allah azza wa jalla ne s'est pas qualifié de la sorte si ce n'est qu'en contrepartie vis-à-vis de ceux qui ont agi de la sorte sans droit. Wa qad 'allama an al mujazata 'ala dhalika bil 'adl hasana min al makhluq fa kayfa bil min al khalaq al 'alim al 'adl al hakim. Et on sait que ce genre de comportement, en réalité, même au niveau de la créature, serait une bonne chose. Alors que dire du créateur ? Par exemple, toi, des gens veulent te tromper. De quelque façon. Et toi, ben, par ton intelligence, tu arrives à retourner leur complot contre eux. Est-ce que ce serait une qualité ou pas une vertu ? Bien sûr. Ou tu es une personne dont les gens se moquent. Et ben toi, tu arrives en contrepartie à te moquer d'eux également. D'accord ? Ça prouve que tu es plus fort qu'eux. Donc cela, envers la créature, c'est une chose qui est louable. Et kazalik, on ne le fait que dans le besoin. De base, le musulman n'est pas une personne qui trompe. Mais si on le trompe, en contrepartie, il peut tromper celui qui l'a trompé, en vue de quoi ? De montrer sa supériorité et de faire appliquer un droit. D'accord ? Non. Donc cela, par exemple, demain, des gens te trompent à chaque fois, toi, tu t'en rends pas compte. Et tu ne réagis pas. Les gens vont dire que tu es faible. Ça sera un défaut. Mais celui qui se fait, qui sent qu'on veut le tromper, il s'en rend compte concrètement. Je ne parle pas de quelqu'un qui est parano, qui psychote. Il sait concrètement qu'on veut le tromper. Et il a déjoué le complot des gens, en leur retournant un complot, ben lui, les gens vont dire, lui, il est fort. Lui, il est intelligent. Et ainsi de suite. Taïeb, lakin. Dans la mesure du besoin, sans outrepasser les limites. Juste pour retourner, comme on dit, déjouer le complot des gens. Et ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Que si cela, pour nous, était une chose bonne, alors que dire pour Allah Azzawajal que de agir de la sorte en rétribution pour ceux qui auraient tenté de d'appliquer ce genre de choses envers nous. Ada. Donc là, on va s'arrêter là. Allah yubarik fikum wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.